Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Philosophie et psychanalyse, c'est la série que je vous propose cette semaine. Elle est constituée de 5 émissions déjà diffusées dans le cadre d'autres séries, réunies ici. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un patient ? Pour explorer cette figure du patient, j'accueille un philosophe spécialiste de la médecine et de son histoire. Bonjour Roberto Poma. Bonjour Géraldine. Votre titre exact, c'est professeur de philosophie et humanité de la médecine à l'université Paris-Est-Créteil. Vous avez, entre autres publications, co-dirigé le manuel Médecine, santé et sciences humaines, paru aux éditions Les Belles Lettres en 2021. Et puis je reçois une autre philosophe qui est aussi spécialiste de littérature américaine et psychanalyste. Bonjour Isabelle Alfandari. Bonjour Géraldine. Vous êtes professeure de littérature américaine et de théorie critique à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous avez notamment fait paraître en 2021 chez Ithac, Science et Fiction chez Freud. Vous nous parlerez un peu du patient dans le cabinet du psychanalyste. Bienvenue à tous les deux. Pour commencer cette réflexion, qu'est-ce qu'un patient ? Écoutons un extrait du livre de Michel Foucault, Naissance de la clinique, paru en 1963. Il est important de déterminer comment et sur quel mode les diverses formes du savoir médical se réfèrent aux notions positives de santé et de normalité. D'une façon très globale, on peut dire que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la médecine s'est référée beaucoup plus à la santé qu'à la normalité. Elle ne prenait pas appui sur l'analyse d'un fonctionnement régulier de l'organisme pour chercher où il est dévié, par quoi il est perturbé, comment peut-on le rétablir. Elle se référait plutôt à des qualités de vigueur, de souplesse, de fluidité, que la maladie ferait perdre et qu'il s'agirait de restaurer. Dans cette mesure, la pratique médicale pouvait accorder une grande place au régime, à la diététique, bref, à toute une règle de vie et d'alimentation que le sujet s'imposait à lui-même. Dans ce rapport privilégié de la médecine à la santé, se trouvait inscrite la possibilité même d'être médecin de soi-même. La médecine du XIXe siècle s'ordonne plus en revanche à la normalité qu'à la santé. C'est par rapport à un type de fonctionnement ou de structure organique qu'elle forme ses concepts et prescrit ses interventions. Et la connaissance physiologique, autrefois savoir marginal pour le médecin et purement théorique, va s'installer. Claude Bernard en porte témoignage. Au cœur même de toute réflexion médicale. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Et c'est notre réalisateur Yad Kera qui lisait cet extrait de Michel Foucault. Roberto Poma, rassurez-moi, ou plutôt expliquez-moi, avant le 18e siècle, fin du 18e siècle, qui pour Michel Foucault était un moment de révolution de la médecine, il y avait déjà de la norme. Je pense par exemple à ce qu'il a pu dire lui-même des lépreux au Moyen-Âge. La norme, c'était de les isoler. D'ailleurs, dans cette idée de norme, il y avait un peu l'idée que les malades étaient aussi des menaces, ce qui n'est pas faux en ce qui concerne les maladies infectieuses. Donc c'est pas le fait qu'il y a eu de la norme qui a changé à la fin du XVIIIe siècle. C'est autre chose. C'est autre chose, oui. Donc, il y avait effectivement des normes qui étaient adressées à des groupes, donc à des populations, comme dans les exemples que vous venez d'évoquer. Et il y avait aussi des normes d'ordre diététique auxquelles le texte fait allusion. Mais ce qui change concrètement, c'est au XIXe siècle, le fait de caler ces normes sur une conception de la la physiologie, donc du fonctionnement normal du corps, physiologie que l'on peut quantifier, que l'on peut apprécier de façon très, très précise, beaucoup plus précise en tout cas qu'auparavant. Et donc Michel Foucault explique aussi que on s'intéresse davantage à l'organe malade, on pense qu'il y a un foyer premier de la maladie, alors qu'avant c'était le corps tout entier qui n'allait pas bien. Tout à fait. Et la thèse de Foucault est justement consiste à dire que avec l'arrivée de la médecine qu'il appelle des espèces, la maladie prime sur le malade, c'est-à-dire la médecine savante s'intéresse davantage aux maladies comme en tant que faisceau de symptômes, comme entité quasiment éternelle et impersonnelle, dont les patients seraient des incarnations accidentelles. D'où un détournement, selon Michel Foucault, du regard du médecin, qui autrefois était centré sur le patient, sur son style de vie, la personne, vers la maladie et la manière dont cette maladie se manifeste précisément chez tel individu de sexe masculin, féminin, jeune, âgé, etc. Est-ce que c'est à l'occasion de cette révolution-là, à la fin du XVIIIe siècle, que le mot patient l'a emporté sur le mot malade ? Sans doute. Alors, le mot patient existait auparavant, mais il est certain qu'à partir du moment où la médecine se professionnalise d'une manière inédite par rapport au siècle précédent, donc à partir du 19e siècle, la notion de patient, qui est à distinguer nettement de celle de malade, prend une place tout à fait nouvelle. En quel sens ? Ça veut dire que vous êtes impatient parce que un organe ou un mécanisme organique va mal et on va s'en occuper. Mais vous n'êtes pas d'ailleurs forcément très malade. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? On peut être patient sans être malade. Prenons l'exemple aujourd'hui. On quitte un petit peu le 19e siècle. Des personnes qui suivent un traitement médical pour baisser le taux de cholestérol dans le sang. Or, le cholestérol, dans une certaine proportion, peut être un facteur de risque, mais pas une maladie au sens propre, c'est-à-dire pas une maladie qui affecterait le bien-être, le mode de vie de la personne. Donc, dans ce cas, on ne se sent pas malade, mais on se rend quand même, on a une relation avec un médecin qui prescrit qui fait des ordonnances pour acheter des médicaments. Donc il y a tout un statut de patient que cette personne qui ne se sent pas malade acquiert du fait d'être en relation avec un professionnel de santé. Donc dès qu'on entre dans un cabinet médical, même si on est plutôt en bonne santé, pour vérifier 2-3 choses, faire peut-être prescrire des analyses de sang ou autre, on est impatient. Alors, Claude Bernard est cité dans ce texte de Foucault, je voulais qu'on en dise quand même un mot, donc au milieu du 19e siècle, Claude Bernard a découvert des mécanismes assez invisibles à l'œil nu et des mécanismes normaux organiques, comme la sécrétion du pancréas et son rôle dans la digestion. On peut effectivement, par des analyses, aller voir des choses qui se passent au niveau des organes et quand on se met dans cette situation, on est impatient, même si tout va bien. Tout à fait. Parce que la thèse de Claude Bernard était aussi que le patient, une des implications de l'approche bernardienne de la santé est que le patient n'est pas forcément la personne la plus adaptée pour parler de sa propre maladie. Donc il y a une passivité, la notion de passivité est bien là dans patient. Cela dit, le malade, il n'était pas forcément très actif non plus. Ça dépend dans quel état il était. Tout à fait, ça dépendait aussi du type de maladie. Mais on entend bien à la fois une possible souffrance, donc patior, du verbe latin, et la patience au sens de « c'est pas moi qui sais, c'est le médecin ». Tout à fait, oui. Ce rapport qui néanmoins cette va bouger depuis... dépendance... À partir du 19e, ça va évoluer un peu, mais c'est ça qui se passe. D'accord. Alors, Isabelle Alfandari, pour ce qui concerne un certain organe qui s'appelle le cerveau, évidemment, la médecine a essayé d'appliquer les mêmes préceptes, la psychiatrie notamment, en essayant de déterminer un fonctionnement anormal, de nommer, etc. Mais est-ce que dans ce domaine, la passivité peut être la même que pour un malade qui a une maladie, un patient qui a un problème digestif ou un problème orthopédique? Alors non, pas du tout. Et vous faites bien de parler du cerveau parce que Freud était d'abord en tant que neurologue occupé à disséquer des cerveaux. C'est comme ça qu'il a commencé. Et il s'est vite détourné au fond de cette tâche de dissection pour s'apercevoir que ça n'est pas le cerveau qui est malade dans les maladies qu'on pourrait dire psychiques, c'est la vie psychique du patient. Donc c'est une dimension, disons, qui ne peut pas apparaître sous la lamelle d'un microscope, qui ne peut pas être disséquée. Et Freud le dit d'ailleurs dans plusieurs textes, il ne pense pas, ou il pense que peut-être un jour, mais très longtemps après lui, on découvrira l'organe, l'inconscient, mais qui n'est pas un organe et qui est le cœur de sa découverte. Donc non. Évidemment, la psychiatrie va continuer à trouver des phénomènes aussi organiques, parfois, dans des maladies mentales. Il n'en reste pas moins que la vie psychique continue aujourd'hui d'être pensée dans une relative autonomie, même peut-être dans une autonomie très grande, par rapport aux phénomènes strictement organiques du cerveau. Oui, et d'ailleurs Freud a souhaité que la psychanalyse qu'il a fondée, alors qu'il était médecin, ne soit pas une branche de la médecine. Donc cette autonomie-là, disciplinaire, épistémologique, oui. Freud l'a absolument souhaité. Ni psychologie, ni psychiatrie, la psychanalyse, elle s'occupe des phénomènes inconscients, de la vie psychique inconsciente du sujet, qui jusque-là n'était couverte ni par la psychiatrie, ni par la psychologie, et c'est encore vrai à ce jour-là. La psychiatrie s'occupe des maladies mentales, et la psychologie s'occupe de la vie psychique consciente. Et il y a d'autres différences, semble-t-il, par rapport au cas du patient en médecine, disons, générale. C'est que, en tout cas, vous me contredirez si je simplifie, mais le patient en psychanalyse, et en partie d'ailleurs en psychiatrie aussi, il donne un matériau, notamment par son comportement et par sa parole, un matériau où il y a de la maladie, il y a du mal, mais en même temps, c'est le même matériau, la parole, en tout cas pour la psychanalyse, qui va permettre d'être comme un remède. Alors, le rapport entre patient, si on veut l'appeler comme ça, et psychanalyste, il n'est pas du tout conforme au rapport entre médecin et malade, pour plusieurs raisons, au moins pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est que le psychanalyste est un ancien malade. Si vous voulez, pour le dire de manière... Ou un ancien patient. Voilà, ou un ancien patient, pour le dire de manière provocatrice, puisqu'il n'y a pas véritablement de maladie en psychanalyse. La nosographie psychiatrique, les psychanalystes peuvent la connaître, mais ils ne l'appliquent pas, elle n'est pas déterminante. Donc, et le premier patient de la psychanalyse, on reparlera peut-être des hystériques, mais le premier patient, c'est Freud lui-même, dans son auto-analyse. Oui. Quand on est médecin, on n'a pas besoin d'avoir été déjà soi-même malade de la maladie qu'on traite. Un gastro-entérologue n'est pas obligé d'avoir souffert d'une maladie gastro-entérologique. Oui. Un analyste a dû passer par le divan d'un analyste, c'est-à-dire a dû faire lui-même l'expérience de sa propre vie psychique et peut-être des altérations, des difficultés de sa vie psychique pour pouvoir écouter un deuxième patient, enfin, ou un premier patient. Juste sur ce point, je sais que ce n'est qu'une partie de votre réponse, mais je voudrais vous demander, parce que parfois on comprend mal ce que vous venez de dire, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas névrosé, qui n'éprouve pas le besoin de faire une psychanalyse, ne pourra jamais devenir psychanalyste, ou est-ce qu'il peut faire quand même une psychanalyse, disons, le préparant à la thérapie psychanalytique? Alors, c'est une bonne question. Freud dit que, sans avoir fait soi-même l'expérience d'une longue analyse, qu'il appelle d'ailleurs didactique, un homme, une femme, ne peut pas devenir lui-même, elle-même, psychanalyste. Il n'y a pas besoin, enfin, y compris la catégorie de névrosé, ça c'est déjà une catégorie un peu quasi nosographique, mais pour devenir psychanalyste, il faut s'être soi-même confronté à sa propre vie psychique, à sa propre histoire. Sans cela, il n'est pas possible de le devenir. Et donc, le névrosé, j'assume le terme qui était quand même celui de Freud, il est, comment dire, le rapport avec le normal, pour reprendre le sujet par lequel nous avons commencé, Roberto Poma, est plus lâche. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quel individu normal psychiquement a des moments névrotiques. Oui. Isabelle Alfandari. Absolument. La frontière entre le normal et le pathologique est déplacée par la psychanalyse. Pour une raison essentielle qu'énonce Freud, c'est que les rêves des personnes dites nerveuses sont les mêmes que les rêves des personnes dites normales. Donc ce qui est la matrice de notre vie psychique, à savoir l'inconscient, n'est pas fondamentalement différente. L'inconscient d'un grand malade, on pourrait dire, psychique, et d'un être normal est le même. Et donc, à partir de cette matrice commune, bien sûr, la psychanalyse ne dénie pas le fait qu'un certain nombre de patients connaissent des difficultés psychiques qui peuvent être très graves, oui. mais fondamentalement ne fait pas la différence, le distinguo entre le normal et le pathologique. Alors, la non-passivité du patient en psychanalyse, puisque c'est lui qui parle et qui, par la manière dont la relation se crée avec son analyste et par la parole, se soigne, est-ce qu'elle a déboussolé assez vite les médecins ? Freud était médecin et la médecine venait de faire une grande révolution dont nous avons parlé, avec une conception du symptôme circonscrit sur lequel on peut agir. Le patient peut être tout à fait passif dans cette affaire. Est-ce que la médecine moderne a été perturbée tôt par l'invention freudienne qui ne respecte pas, on vient de le dire, toutes ces catégories de la médecine moderne ? Il me semble que non, c'est-à-dire en dehors de la psychanalyse, oui. Cette relation traditionnellement paternaliste entre le médecin et son patient perdure en tout cas jusqu'en France, pardon, en France jusqu'aux années 2000, parce que oui. c'est le 4 mars 2002 que la loi sur l'autonomie du patient est promulguée et qui voilà, c'est une loi qui quand même dénonce une pratique qui était celle en gros de laisser le patient trop passif sans doute vis-à-vis devant son médecin. Il doit pouvoir faire des choix. Voilà, et qu'il incite. On doit lui soumettre des options. Tout etc. à fait. Et c'est là qu'on trouve la fameuse formule du consentement libre et éclairé du patient. Oui. Alors on va quand même s'interroger un moment dans l'émission sur ce point. Est-ce que la pensée psychanalytique a malgré tout, via des psychanalystes peut-être, eux-mêmes médecins, produit des petites choses dans le domaine de la médecine ? Mais c'est vrai qu'au départ, je suis contente que vous le souligniez avec tant de clarté, Roberto Poma, c'est une souveraine indifférence entre la médecine moderne et la psychanalyse. C'est tout ça à fait, oui. Bon, alors on va rentrer un peu plus dans le détail de la relation thérapeutique en psychanalyse. Et bien, tout simplement, on va faire appel à un patient de Freud ultra célèbre qu'on a appelé l'homme au loup à cause d'un rêve où il y avait des loups, nous allons en parler, qui est sorti dans son analyse. Freud a eu cet homme dont le vrai nom était, je vais vous le retrouver. Oui, Sergueï Konstantinovitch Pankejeff, c'est pas toujours facile à retenir. C'était un jeune russe très fortuné grâce à un héritage. Son père était mort. Freud l'a eu en analyse de 1910 à 1914 dans des conditions qu'on va préciser. Après il partira en Russie avec la révolution soviétique. Il va être ruiné. Il reviendra. On va en parler. Écoutons cependant des souvenirs de l'homme au loup. Il s'agit d'un texte puisqu'un certain nombre de textes à son propos, y compris écrit par lui-même, ont été réunis en 1981 chez Gallimard, l'homme au loup, par ses psychanalystes et par lui-même. J'ai fait la connaissance de Freud au début de 1910. À cette époque, la psychanalyse et le nom de son fondateur étaient encore presque inconnus hors des frontières de l'Autriche. Je compris tout de suite que Freud avait réussi à découvrir un domaine jusque-là inexploré de l'âme humaine, et que, si on le suivait sur ce chemin, un monde tout nouveau s'ouvrirait à chacun. C'était l'erreur de la psychiatrie classique, qui ignorait les lois spécifiques de l'inconscient et le mécanisme de ce dernier, de tout faire dériver du somatique, du corporel. Une conséquence de ce point de vue erroné était une distinction trop rigoureuse entre malade et bien portant. Tout ce que le névrosé entreprenait était de prime abord maladif. Tombait-il amoureux d'une jeune fille ou d'une femme, par exemple ? On interprétait cela comme un état maniaque ou comme une compulsion. Pour Freud, au contraire, la percée vers la femme pouvait être comprise dans certaines circonstances comme l'action la plus grandiose du malade, comme une preuve de sa volonté de vivre et une tentative de guérison qu'il entreprenait de lui-même. On s'imagine aisément le soulagement que j'éprouvais quand Freud me posa diverses questions sur mon enfance, sur ma situation familiale, etc. Quand je vis qu'il écoutait mes réponses avec la plus grande attention, et laissait tomber ici et là une remarque qui témoignait de la plus entière compréhension pour tout ce que j'avais vécu jusque-là. Ce n'est pas ici le lieu d'approfondir toutes les phases de ma cure chez Freud. Ce que je puis dire, c'est qu'en étant en analyse chez Freud, j'avais moins le sentiment d'être un patient que plutôt, pourrait-on presque dire, un collaborateur, le camarade plus jeune d'un chercheur expérimenté qui s'est mis en route pour explorer une terre nouvellement découverte. Cette terre nouvelle est pour l'analyse le domaine de l'inconscient, dont le névrosé a perdu la maîtrise, qu'il aspire à retrouver. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Moins un patient qu'un collaborateur dans la thérapie avec Freud, voilà ce que dit l'homme au loup qui a été un patient de Freud entre 1910 et 1914. Et d'ailleurs avec une vraie gratitude, Isabelle Alfandari, qui est assez touchante dans ce texte à l'égard de Freud. Qui est très touchante, qui est très impressionnante. L'homme au loup a absolument raison. En psychanalyse et dans la psychanalyse freudienne, le patient n'est pas du tout en situation de passivité. Sans lui, l'analyste ne peut rien. Et il ne peut rien, notamment parce que le savoir est du côté du patient. C'est ça aussi le déplacement qu'opère la psychanalyse par rapport à la médecine qu'on pourrait dire traditionnelle. Le savoir inconscient est du côté du patient. Hein. Mais c'est donc au patient de le mobiliser. Donc il a tout à fait raison, cette formule de collaborateur est absolument exacte. Est-ce que ça veut dire aussi que ça ne sert strictement à rien d'envoyer les gens en psychanalyse quand on pense souvent de manière très profane qu'ils ont un problème, s'ils ne font pas ce pas intérieur d'eux-mêmes? Ça n'a aucun sens de leur dire « va faire de la psy ». Il faut que quelque chose parte d'eux. Une certaine conscience de la souffrance, peut-être. Oui, on peut pas. Il n'y a pas d'injonction thérapeutique à la psychanalyse. Il faut absolument que le sujet, qui déjà, même en étant tout à fait désireux de se prêter à l'exercice psychanalytique, rencontre de toutes les façons des résistances, des moments difficiles. S'il n'est pas au départ désireux d'affronter un certain nombre de choses de sa vie psychique, ça n'a aucun intérêt de l'envoyer. Vous voulez en dire un mot sur ce rapport non passif à sa propre thérapie de celui qui fait une psychanalyse ou de celle qui fait une psychanalyse? Moi, ce qui me frappe Roberto plus dans ce qu'on vient de dire, c'est l'humilité dont l'auteur, dont le psychanalyste doit faire preuve pour se mettre au même niveau que le patient et pouvoir établir de ce fait une vraie relation. Où il n'y a pas un actif et un passif, mais plutôt un échange entre deux individus, un échange thérapeutique. Donc c'est dans ce sens, ce texte est très très émouvant. Presque. Alors autre chose est intéressant concernant l'homme loup, c'est que il considère, si je me souviens bien dans le cas que Freud raconte, il considère lui-même l'homme au loup que ses symptômes, à savoir beaucoup d'angoisse et lié à la sexualité, c'est un peu compliqué. Ça s'est déclenché à l'occasion d'une maladie organique, la blénorragie. Il avait une infection bactérienne sexuellement transmissible. Et c'est vrai que la médecine traditionnelle aurait pu partir de ce point organique, peut-être aller chercher des effets. Et là, Freud déplace. C'est une décompensation peut-être d'autres problèmes psychiques qui s'est passé, n'est-ce pas, au moment de cette maladie organique. Oui, alors il déplace complètement Freud, parce que l'essentiel de cette cure, qui est une cure très particulière, c'est vraiment la figure du patient la plus étrange, au fond, celle de l'homme au loup, peut-être la plus exemplaire, et c'est aussi une figure d'une cure qui ne fonctionne pas très bien. Et oui, on en reparlera peut-être. Mais donc, oui, Freud déplace complètement, puisque Freud, très tôt dans la cure de ce patient, juge, interprète un rêve qui a été fourni par l'homme au loup, le fameux rêve au loup, sur lequel on peut peut-être dire un mot. Je vous en prie, allez-y. Donc c'est un rêve que l'homme au loup rapporte très tôt dans sa cure, que Freud interprète d'emblée, dans des termes qui vont peut-être vous étonner. Donc c'est un rêve où l'homme au loup, à l'âge de 4 ans, je crois, se souvient d'avoir rêvé d'être allongé dans son lit auprès de la fenêtre et de voir apparaître 7 loups postés sur un arbre qui le regardaient silencieusement et de voir la fenêtre légèrement trembler. Freud Il est terrifié hein, par ce rêve. Est terrifié ouais. par ce rêve, qui est un rêve d'ailleurs qui donne lieu à une iconographie intéressante, parce que Freud demande à l'homme au loup de littéralement peindre son rêve. Donc il y a au musée Freud à Londres, par exemple, la reproduction de cette, disons, de cette, voilà, du rêve devenu image. Et Freud interprète le rêve dans des termes qui sont un peu difficiles à rapporter immédiatement ici, mais comme, disons, la transformation inconsciente. Consciente d'une scène de trauma sexuel que le jeune Serge Pankajev aurait vécu. Et Freud donne retranscrit ou remontre archéologiquement à une scène qui se serait passée quand l'homme au loup avait 18 mois et aurait vu ses parents dans une relation sexuelle, un coitus atergo, dit Freud, par une après-midi d'été, alors que le jeune Serge Pankajev faisait la sieste à côté de ses parents qui avaient une relation sexuelle. Et cette relation sexuelle, pour Freud, produit le rêve de l'homme au loup. Alors vous imaginez bien les objections qui ont pu être faites à Freud et à ses disciples jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, tous les psychanalystes ne lisent pas le rêve comme Freud. Mais voilà, donc ça n'est pas du tout la blénorragie qui est pour Freud explicative, cause des troubles psychiques de l'homme au loup, mais un trauma sexuel très ancien, refoulé, et dont il reste une trace dans ce rêve. Sur ce patient qui ne va pas répondre formidablement à la thérapie, Freud va construire des concepts essentiels. Vous l'avez dit, celui de scène primitive, le coït parental, traumatique, mais aussi la notion de souvenir écran. À un moment, il rêve d'un papillon qui, semble-t-il, renvoie à sa gouvernante, qui pourrait avoir eu un rôle castrateur par rapport à une sexualité infantile intense. Donc là, le complexe de castration se repère aussi à travers les rêves de ce patient. Donc plein de choses fondamentales. Et pourtant, il s'est peut-être un peu trompé sur l'homme au loup, Freud. Oui, en tout cas, l'homme au loup est le personnage, si j'ose dire, psychanalytique qui a passé le plus de temps au XXe siècle sur les divans des analystes successifs, puisque quand il revient après-guerre de Russie et qu'il est complètement... Il a perdu toute sa fortune, il est sans le sou, Freud le reprend en analyse et s'aperçoit qu'il n'arrive pas bien avec l'homme au loup, qui est pourtant un patient qui a beaucoup compté pour lui. Et il l'envoie chez une collègue, Ruth Mark Brunswick, qui continue de le suivre et qui elle-même est en analyse chez Freud. Donc Freud ne se débrouille pas avec l'homme au loup pour plusieurs raisons, sans doute parce que en vérité l'homme au loup n'est pas véritablement l'occasion pour Freud de découvrir des concepts mais de les vérifier. Il me semble que Freud plaque beaucoup de choses pour des raisons. Il est dans un conflit très grand avec Jung autour de la sexualité infantile que découvre Freud, la sexualité des très petits enfants. Jung se décale, refuse, objecte à Freud contre ce concept de sexualité infantile et l'homme au loup va être l'occasion pour Freud de prouver la validité de sa théorie. Il me semble que l'une des raisons, on peut en avancer plusieurs, mais qui explique aussi pourquoi cette cure marche beaucoup moins bien que celle d'autres patients célèbres de Freud, tient aussi à l'exemple qu'a constitué l'homme au loup pour Freud lui-même. Et puis la psychiatrie n'avait peut-être pas dit son dernier mot. On dit maintenant que l'homme au loup était sans doute atteint de psychose. Ça, Freud ne dit pas forcément. Non, mais bien sûr, lui, il pensait qu'on pouvait entendre les psychotiques et voir... entendre énormément de choses sur leurs associations d'idées, etc. Il n'en reste pas moins que pour les soigner, véritablement, c'est bien plus difficile qu'avec, disons, et pardon encore pour le mot, un névrosé ordinaire. Non, mais c'est pas du tout un gros mot. Non, bien sûr, il y a beaucoup de raisons. Sans doute aussi, une des raisons qui explique l'échec de Freud, c'est dans la relation thérapeutique, ce qu'on appelle le transfert. Oui. C'est-à-dire la relation particulière que Freud a avec ce patient. Il y a sans doute chez Freud ce qu'on appelle un contre-transfert, c'est-à-dire ce qu'éprouve Freud par rapport à son patient, qui sans doute a aussi pesé. Envahissant, il a un peu forcé des choses. Oui, Freud tient terriblement à ce patient. Ouais. Quand l'homme au loup, c'est quand même assez exceptionnel, revient de Russie sans le sou, il n'a pas le moyen même de survivre. Freud organise une collecte auprès de ses confrères pour permettre à l'homme au loup de se loger, de se nourrir et de payer ses soins. C'est assez rare dans l'histoire de la psychanalyse. Donc Freud a un contre-transfert massif quand même sur l'homme au loup qui explique peut-être aussi malheureusement l'échec de cette cure. Roberto Poma, c'est assez joli quand même. La psychanalyse a avancé beaucoup parce que Freud a posé des concepts très importants à partir d'un patient qui n'a pas été une réussite. Je trouve ça génial, moi. Mais bon, pour les médecins ordinaires qui n'ont pas d'intérêt pour la psychanalyse, car il y en a, c'est encore plus répulsif, non ? Pas forcément, parce que il y a d'une part le cas de l'homme au loup, et puis tout ce que ce cas a engendré comme débat au sein de la communauté des psychanalystes ou médicales, et qui a justement qui a permis entre autres de faire émerger d'autres concepts comme celui de contre-transfert que l'on trouve que l'on pourrait voir dans d'autres domaines de la médecine, comme par exemple dans tous les cas de cancérologie où le chirurgien qui aurait opéré un patient s'attache tellement à son patient qui porte des séquelles suite à son opération qu'il ne le lâche plus jusqu'à la fin de ses jours. Donc ce contre-transfert existe aussi dans d'autres domaines évidemment de la médecine et je pense que la peur de Freud, même si le cas n'était pas une réussite thérapeutique, donc du point de vue thérapeutique, le cas qu'on vient d'évoquer est tout à fait essentiel. Oui. France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Qu'est-ce qu'un patient ? C'est notre question aujourd'hui dans le cadre de notre série sur la patience cette semaine. Je suis en compagnie de Roberto Poma, philosophe, très bon spécialiste de la médecine et de l'histoire de la médecine, et d'Isabelle Alfandari, philosophe, spécialiste de littérature américaine et psychanalyste qui connaît parfaitement l'œuvre de Freud et nous permet d'y voir clair. Nous venons d'analyser un texte et puis qui peut nous parler aussi du rapport au patient dans le cabinet du psychanalyste. Alors vous venez de dire, Roberto Poma, quelque chose de très important, c'est que mine de rien, la médecine a elle aussi rencontré, y compris la plus traditionnelle, la question du transfert et du contre-transfert. Elle n'a pas pu être complètement à l'écart de cette question. Le patient, aussi passif soit-il, pour ce qui est de la médecine, au contraire de la psychanalyse, projette des choses sur le médecin. Il peut même y avoir des effets placebo qu'on peut tout simplement saluer, parce que si ça marche, si ça aide, pourquoi pas. Il peut y avoir des choses nocebo aussi, négatives. Et il y a un psychanalyste important, né à Budapest, avec un parcours qui évoque un peu celui de Melanie Klein, sur laquelle nous avons fait une série au printemps, qui s'appelle Michael Balint, enfin je vais dire comme ça, Michael Balint. Et comme elle, comme Klein, il est allé ensuite à Berlin en 1921, et puis en Angleterre, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et Balint, qui était proche de Winnicott aussi, est un personnage qui a produit un livre important, The Doctor, His Patient and the Illness. Traduit, je dis exprès en anglais d'abord, le médecin, son malade et la maladie. 1957. Qu'est-ce que c'est que ce livre, Roberto? Alors, c'est un livre extrêmement important dans l'histoire des conceptions sur la relation médecin-patient, parce que c'est l'un des premiers ouvrages qui envisage un rapport de collaboration véritable entre le médecin et son patient. D'ailleurs, le titre sur lequel tu as bien fait d'insister utilise le pronom possessif « son malade » personnaliser davantage et individualiser la figure du malade en lien avec le médecin. Donc, c'est « son malade ». Et la maladie. Donc oui. Un article, oui. Voilà. Mais en même temps, on voit qu'il y a quelque chose qui pèse sur cette relation, c'est la maladie, oui. Avec tout ce qu'on peut projeter en elle aussi. Peut-être que le patient et le médecin doivent analyser ça ensemble à un moment donné. Oui, alors, et tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans l'approche balintienne de la relation, c'est le caractère pluridisciplinaire de la formation du médecin dans l'écoute du patient. Je m'explique. Il est important, selon Balint, que le soignant puisse entendre la voix de différents spécialistes du soin, y compris des psychologues ou des infirmiers ou différents spécialistes pour s'aider à faire un diagnostic et ne pas entendre uniquement la voix de la physiologie, de l'approche organiciste de la maladie. Alors, vous allez nous dire, Isabelle Alfandari, comment les psychanalystes eux-mêmes ont pris ce livre. Mais j'aimerais d'abord qu'on écoute tout simplement quelques lignes de Michael Balint, ce livre de 1957, « Le médecin, son patient ou son malade et la maladie ». Écoutez. Le processus éducatif est, bien entendu, le plus intense pendant la maladie, qu'il porte sur le patient lui-même ou sur un de ses parents proches, sur ses voisins ou ses amis. Au stade initial d'une maladie aiguë, lorsque le patient se trouve encore sous l'effet du premier choc, autrement dit lorsque sa maladie est encore inorganisée, le médecin est habituellement un support qui permet au patient d'établir avec lui des relations de dépendance. Lorsque le premier choc est passé et que la maladie, au lieu de disparaître, s'organise, prend une forme chronique, l'omnipraticien essaye dans toute la mesure du possible d'amener le patient à collaborer à l'élaboration d'un compromis entre ses modes de vie habituels et les exigences de la maladie. En d'autres termes, le but serait de donner au patient le rôle d'arbitre dans ce compromis. Mais il est assez rare que cet objectif puisse être pleinement réalisé. Peu de personnes possèdent le degré de maturité mentale et émotionnelle nécessaire à une tâche aussi difficile. Les deux extrêmes bien connus sont le malade hyper exigeant, qui ne peut se permettre aucune détente, et le malade revendicateur et très anxieux, qui ne reçoit jamais assez. Il va de soi qu'un grand nombre de variations doivent exister selon la maturité mentale du patient et surtout sa maturité émotionnelle. Toute maladie, si légère soit-elle, signifie toujours l'acceptation d'un renoncement partiel à la liberté et au plaisir habituel. Il arrive d'ailleurs souvent que les jeunes soient capables d'accepter plus facilement ces désagréments que les gens plus âgés. Tout médecin reconnaîtra, je pense, que l'attitude du patient envers sa maladie a une importance essentielle pour toute thérapeutique et que c'est la tâche du médecin d'éduquer le patient à devenir coopérant. Et ce texte de Michael Balint, psychanalyste, qui parle finalement aux médecins, disons, les plus traditionnels, a été lu par Anna Fulpin de l'équipe d'Avec Philosophie. J'aimerais savoir, c'est peut-être une question sensible, je ne sais pas, Isabelle Alfandarine, si les psychanalystes sont fiers, au fond, d'avoir à un moment donné, via Balint, déposé des concepts, des idées au cœur de la médecine pour vaincre ce que j'ai appelé au début de l'émission la souveraine indifférence mutuelle entre ces champs. Alors, fière, je ne sais pas, mais en tout cas, Balint est une figure très importante de ce point de vue. Vous parliez tout à l'heure de la manière dont la psychanalyse avait pu essaimer dans la médecine. Pratiquement pas du tout. La médecine a résisté, continue à résister, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Et c'est vrai que Balint, lui, a un chemin très intéressant parce que il est au départ médecin, comme un certain nombre de psychanalystes, mais pas tous les psychanalystes de l'époque. Il est en cure avec un psychanalyste qui est lui-même un disciple de Freud très important, qui est Ferenczi, à Budapest. Et donc, il devient analyste, oui. Balint. Il a une œuvre analytique très importante. Il y a des livres très, très importants de Michael Balint pour les psychanalystes, notamment pour la sexualité infantile. Et il revient parler aux médecins depuis son expérience. Donc, ce détour est très intéressant. Et ça marche. Il va y avoir des groupes Balint. Ça marche, exactement. Surtout que ce que Balint apporte, c'est qu'il rapporte aux médecins son expérience d'analyste autour du contre-transfert. Il explique aux médecins que, comme vous l'avez dit, il y a dans la relation thérapeutique, en fait, il y a des jeux de force inconscients très forts et qui peuvent empêcher la guérison. Et que donc, la guérison thérapeutique au sens de la médecine somatique. Et que donc, ces psychodrames seront des manières de mettre autour de la table tous les acteurs du soin, de les faire parler, se parler de la relation, de la manière qu'ils ont de se situer par rapport au malade, de ce qu'ils supportent ou pas, de ce qu'ils reçoivent du malade, oui, entre eux, de manière à se dégager de tous ces affects qui sont en trop et qui empêchent parfois, peut-être comme dans le cas de l'homme au loup, l'analyste, le médecin, d'exercer une action bienfaisante. Et Roberto Poma, donc ça marche, les groupes Baleine, c'est quoi? C'est des médecins avec des patients ou c'est des médecins entre eux qui débriefent? Non, ce sont des étudiants en médecine, par exemple, oui, des jeunes, enfin des apprentis médecins qui débriefent des cas en présence de médecins plus expérimentés et d'autres professionnels de soins. D'accord. Voilà. Et ça a laissé des traces ou bien c'était une époque, les années 60? Ah non, c'est aimait défricher des champs, la psychanalyse a eu une écoute, on l'a écoutée peut-être plus singulièrement qu'on l'écoute aujourd'hui. Est-ce que ça s'est tassé après l'intérêt pour ces concepts de Baleine? Ça dépend. Ça dépend des contextes, ça dépend des villes, des traditions d'enseignement dans chaque université en France. Ça reste, je crois, une spécificité française, c'est-à-dire je pense. Ah bon, alors que ça vient d'un anglais? Oui. Enfin, c'est un anglais par destination, oui, hein, il appuie le nazisme. La vitalité de la psychanalyse anglaise, qui en France, on en a pas mal parlé au moment de la série Mélanie Klein. C'est vrai qu'il y a eu quelques résistances, ce sont des mondes un peu qui ont eu du mal à communiquer. C'est une véritable actualité et les étudiants de médecine apprécient beaucoup ce genre de psychodrame, enfin de formation. Oui. Mais je crois que c'est un outil. En fait, je suis pas sûre que les médecins soient passionnés par, disons, les concepts psychanalytiques. Ce qui les intéresse, me semble-t-il, c'est l'efficacité de l'outil du psychodrame. Oui. Et dans certains services très très lourds, d'oncologie, des services de chirurgie, des services, voilà, de gériatrie avec des patients qui présentent des difficultés somatiques très grandes et qui déclenchent aussi des réactions dans le personnel. Hein, oui. Le psychodrame est un outil qui n'est pas du tout associé à un... Vous pouvez nous le décrire un peu, parce que c'est assez passionnant, les psychodrames. Alors, je ne sais pas, moi je ne l'ai jamais pratiqué, mais disons qu'il y a un acteur, enfin une personne qui vient faire jouer les différents acteurs autour de la table. Et je trouve que ce qui est surtout très important dans le psychodrame, c'est que, donc ce n'est pas forcément que des étudiants, hein, en général ce sont des personnels de soins, donc du médecin à la fille de salle. Quelqu'un joue le patient alors? Voilà, et on joue la relation thérapeutique, ouais. on la met en scène. Alors il y a différentes manières de le faire, mais fondamentalement c'est pour qu'il y ait une espèce de performance de ce qui se passe dans la relation thérapeutique et qui en général n'est pas dite. Et notamment dans des services où on accueille des malades très gravement malades. Est-ce que ça a à voir avec un courant que vous évoquez dans votre manuel de médecine? Il faut dire que vous évoquez tellement de choses. vraiment, c'est une mine d'or ce manuel. Roberto Poma, est-ce que ça a à voir avec ce qu'on appelle maintenant la médecine narrative? Qu'est-ce que c'est la médecine narrative? Alors, c'est une médecine qui essaye d'intégrer dans l'élaboration d'un diagnostic, donc auprès du médecin, l'histoire de vie du patient avec tous les résultats des analyses issues de l'imagerie médicale, enfin la maladie peut représenter en tant qu'entité organique. Donc c'est une médecine qui est à l'écoute de l'histoire, donc de la biographie d'un patient. Et ce qui singularise, ce qui est de nature à singulariser énormément à la fois le diagnostic et les soins apportés ensuite. Donc c'est un complément à la médecine ou une manière de faire? C'est plus qu'un complément, c'est une façon d'améliorer les soins et aussi un appel à la prise de conscience que la médecine n'a pas pour vocation seulement de soigner l'organe malade, mais d'accompagner un malade, qui est aussi un patient, dans sa vie après la maladie aussi, ou avec la maladie, lorsque la maladie l'a privé de liberté, de plaisir, et l'oblige à changer ses habitudes de vie. Alors, cet ensemble de choses que nous voulons d'évoquer vont faire que le patient en médecine va devenir finalement moins passif. Vous avez évoqué vous-même la loi Kouchner qui, en 2002, exige son consentement pour beaucoup de choses. La question est de savoir si le patient n'a pas au fond une certaine expertise sur sa propre maladie. Cette question est vraiment d'actualité en ce moment. Vous pouvez nous expliquer un petit peu cette démarche, Roberto Poma? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que aujourd'hui l'expérience du patient est devenue un domaine à part entière de l'apprentissage de la médecine. Il y a des universités des patients où des patients dits patients experts, donc qui sont en général des personnes qui ont une maladie chronique ou qui suivent un traitement de très très longue durée, partagent leur expérience et partagent aussi étudient et essaient d'améliorer les outils que la médecine professionnelle pourrait mettre en place pour améliorer le bien-être, si le style de vie, le mode de vie des patients qui suivent un traitement. Alors le risque du patient actif, évidemment, c'est qu'il ait des avis parfois différents de ceux du médecin. J'oserais presque dire le patient risque de devenir impatient face à une médecine qui parfois le frustre. Il peut y avoir des conflits. Là aussi, la psychanalyse aura peut-être des choses à dire là-dessus, ouais. Sur ces conflits entre le médecin traditionnel ou même très ouvert à plein de choses et son patient. Je vous propose d'écouter un extrait du film Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée qui raconte une histoire qui était vraie. Ron Woodruff, à 35 ans, découvre à Dallas, en 1986, qu'il est malade, qu'il a le sida. Écoutez. Qu'est-ce que vous faites ici? J'habite ici. Où est Rayon? Vous êtes colocataire? Pas exactement. Et vous faites quoi ici? Roger Thompson. C'est mon patient. Vous traitez tous ces gens? Non, ils se traitent eux-mêmes. Avec quoi? Vitamines, peptides T et un tas d'autres trucs, tout sauf ce poison que vous leur fourguez. Ça vous arrive de porter la couleur? Non, parce qu'à chaque fois que je vois que du blanc. Blouse blanche, chaussures blanches, gants blancs... Vous pouvez dire à Rayon que je le cherche. Je vais dire à tous mes patients de ne plus venir ici. Pourquoi? Excusez-moi. Ça vous dirait qu'on se fasse un bon steak un soir? Je sais que c'est rouge, mais... Isabelle Alfandari, votre commentaire? C'est un film, c'est une séquence très bouleversante. Et le film, d'ailleurs, est très bouleversant. C'est une manière, là, si je me souviens bien, du moment où ça se situe, où le patient se rebelle d'une certaine manière, ou en tout cas, c'est les débuts du traitement du sida. Et en fait, les médecins n'avaient rien, malheureusement, à l'époque. Les patients mouraient comme des mouches. Enfin, c'était absolument catastrophique. Et donc, il y a eu des manières pour les patients de prendre en charge. Oui. Ce qui était soit leur fin de vie, soit la possibilité de quand même se faire du bien, alors que la médecine ne pouvait rien leur apporter. Donc là, ce que je trouve assez... Bon, c'est un exprès à la fois très poignant et en même temps assez drôle. Finalement, la médecine, là, du fait de l'urgence, n'a pas encore réussi à fournir, des procédés thérapeutiques efficaces. Et les patients s'organisent eux-mêmes. Pensent eux-mêmes, justement, un retour à la diététique, à ce qu'il faut manger, enfin, à des techniques plus anciennes, qui sont sans doute des techniques, je sais pas comment dire, traditionnelles, de société traditionnelle. Tout à fait. Et puis, ça fait écho aussi à ce qui se passe aujourd'hui dans les soins palliatifs, à partir du moment où la médecine jette l'éponge, on laisse le patient libre déjà, on diminue les médicaments et on laisse l'individu aussi plus libre de se faire plaisir, en quelque sorte. La figure du patient est donc devenue plus active, plus imprévisible, peut-être plus riche, moins conforme à des normes préétablies. Je voudrais savoir si en psychanalyse, on n'est pas aussi parfois dans une tendance qui va encore rendre le thérapeute de moins en moins engoncé dans un rôle préétabli. Je pense par exemple à l'œuvre de d'Irving Yalom, qui est psychiatre, qui a écrit beaucoup des romans, mais aussi des réflexions thérapeutiques sur ce qu'il appelle la psychanalyse existentielle. Et dans Le Jardin d'Épicure, qui est un de ses derniers livres, les plus récents en tout cas, il dit qu'il faut vraiment accepter un auto-dévoilement majeur du psychanalyste en séance. Il doit, puisque finalement on parle à son inconscient, il doit même raconter des choses. Et il y a un cas, je ne suis pas sûre que vous serez tout à fait convaincue, mais je voulais quand même vous soumettre cela en fin d'émission. Isabelle Alfandari, il y a une patiente à Amalia Amélia, Amélia qui a du mal à lui manifester des sentiments, et il se met à lui parler de sa propre relation à son propre thérapeute. Il dit j'aimais comment il était habillé en col roulé avec un collier indien, j'aimais l'entendre dire que notre relation était spéciale, etc. Et vous, Amélia, comment vous vivez la relation avec moi? Il lui demande et finalement elle va lui dire oui, j'apprécie votre gentillesse. Il dit je suis émue, je suis touchée que vous me le disiez, et à la porte, il transgresse des règles importantes de la psychanalyse. Elle lui dit « Je voudrais que vous me preniez dans vos bras » et il le fait. Isabelle Alfandaille. Alors, plusieurs choses. D'abord, bien sûr, là aussi, c'est assez intéressant. Il est évident que la psychanalyse ne fonctionne pas de manière, ordinaire, si j'ose dire, si on peut utiliser ce terme de cette manière. Après, il y a dans l'expérience des cures, dans les trajectoires des cures, des excursus. Il y a malgré tout le fait qu'il s'agit de ne pas toucher le patient pour une raison simple, c'est qu'en embrassant son patient, sans doute un certain nombre de psychanalystes ont-ils souhaité à certains moments embrasser leur patient qu'ils connaissaient dans la détresse, mais en ayant un contact physique avec le patient, on alourdit au fond la charge du patient plutôt qu'on ne l'allège. Donc il y aurait plusieurs choses à dire. Là, ce qui me semble intéressant, c'est pas tant que l'analyste se dévoile de manière trop personnelle. Il me semble que c'est un léger excursus pour faire venir à la parole la relation entre l'analysante et l'analyste. C'est-à-dire en évoquant, par un excursus un tout petit peu transgressif, mais sa propre relation, et rappeler que lui-même a été un analysant, ce qui me paraît très intéressant, et qu'il a eu lui-même un lien à son analyste. Et il essaye de faire émerger ça chez son analysante, j'imagine, pour des raisons singulières. Donc, je trouve que c'est pas tant transgressif que ça. Bon, mais il y a plein de choses très transgressives chez Yael. Voilà. Il va très très loin dans le narratif, si j'ose dire, du médecin à l'égard de son patient, qui doit pouvoir parler de plein de choses qui le concernent lui. Il dit que le transfert, qui est une chose très solide, continuera de se faire. Mais c'est vrai que beaucoup de psychanalystes sont un peu plus réservés. Et les médecins, alors, Roberto Puma, dernier mot pour vous. Oui, moi, ça me fait penser à l'importance de la vulnérabilité du médecin aussi, et du fait de ne pas la cacher devant le patient, justement pour rendre possible cette relation thérapeutique sur le même plan. En fait, un médecin qui montre que c'est un humain faillible, traversé par des passions, par des peurs, des colères, il a, à mon avis, plus de chances d'établir un rapport véritable, une relation véritable avec son patient. Donc c'est... Ça s'appelle Bad Disease, c'est Steve Richards en 2019. Hey doctor, I've got a problem, you gotta fix it. C'est une C'est réjouissant. Peut-être que vous vous attendiez pas à cela en fin d'émission, mais au fond, c'est un peu ironique. Merci à tous les deux, Isabelle Alfondari et Roberto Poma, pour votre contribution à cette réflexion sur le patient en psychanalyse et en médecine traditionnelle. À présent, c'est l'heure de Frédéric Worms, qui aujourd'hui se demande pourquoi n'y a-t-il pas de morale sans émotion, puisque la question de toute la semaine est celle des émotions. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi n'y a-t-il pas de morale sans émotion ? Lorsqu'on cherche à relier la morale, c'est-à-dire les principes de notre action tournés vers le bien contre le mal, les principes qui justifient nos actions, qu'on invoque pour justifier une action, donc des principes souvent universels, lorsqu'on cherche à relier donc la morale qui est fondée sur des principes universels, des raisons qu'on peut donner à nos actions, avec les émotions, c'est en général pour de mauvaises raisons, précisément. On cherche à relier la morale à l'émotion avec deux raisons principales. La première, c'est la force des émotions. On se dit que la morale, qui doit nous entraîner vers le bien contre le mal, a besoin de ce moteur que sont les émotions. En effet, quoi de plus fort qu'une émotion qui semble plus forte que la raison pour nous faire agir ? Oui, l'émotion, c'est ce qui nous fait résister à un danger, par exemple la peur, mais aussi la méchanceté, et qui nous fait se mouvoir, comme le mot l'indique, vers le bien contre le mal. On invoque alors la force de l'émotion au secours des principes de la raison. L'autre raison qu'on invoque est on a raison aussi, c'est la polarité de l'émotion. L'émotion est qualifiée moralement. En effet, il y a des émotions négatives qui nous font fuir des dangers, des émotions positives, et donc il y a l'embryon de la morale. L'utilitarisme, d'ailleurs, va s'appuyer là-dessus, va partir du plaisir et de la douleur, du nuisible et de l'utile, pour fonder l'expérience, la raison du bien et du mal. Il y a donc toutes ces controverses entre la raison et l'émotion dans le principe même de la relation entre la morale et l'émotion. Mais il y a quelque chose qu'on oublie et qui est peut-être la vraie raison pour laquelle la morale ne peut pas se passer de l'émotion humaine. Cette vraie raison, c'est que l'émotion est d'abord, d'emblée, relationnelle, intersubjective, que je ne me découvre moi-même que dans ma relation avec les autres, à qui aussi je prête des sentiments, que le véritable fondement même de la morale, c'est la capacité à devenir un sujet de la morale et à percevoir en autrui un sentiment moral. L'émotion est aussi la condition de la morale parce qu'elle nous fait percevoir, elle nous fait imaginer le sentiment de l'autre, douloureux ou joyeux, parfois contre les nôtres, par exemple si un méchant jouit de nous faire souffrir, ou au contraire si nous voulons, avec notre force, venir au secours de la souffrance d'autrui. Alors, il n'y a pas de morale sans émotion, mais ce n'est pas seulement parce qu'il y aurait une force brute de l'émotion sauvage, ce n'est pas seulement parce qu'il y aurait dans l'émotion un embryon de bien ou de mal, c'est d'abord parce qu'il y a dans l'émotion une condition de nos subjectivités, une expérience relationnelle qui nous découvre à nous-mêmes et qui nous découvre aussi la souffrance ou les joies d'autrui. La morale ne peut pas se passer d'émotions. Que serait une morale si vous n'imaginiez pas les émotions des êtres humains ? Merci Frédéric Worms. On peut retrouver votre chronique, comme toutes nos émissions, en podcast sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Flavien Andrisiak et Élise Leu. Et merci à toute l'équipe d'Avec Philosophie qui l'a préparée, Anna Fulpin, Chaïma Giboire, Carla Michel, Marine Boudalier et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!